contrepoint des rendez-vous de l'histoire à Blois, l'Italie des colonies. Troisième épisode. Que feriez-vous, vous, si des étrangers occupaient votre terre? Avez-vous jamais réfléchi à ce que vos attaques pouvaient représenter à nos yeux? Embuscade, meurtre, pillage, enlèvement, vol, menace contre les fermiers. Vos fermiers cultivant nos terres. La Libye n'est pas votre patrie, vous n'avez pas de droit sur elle. Pas le droit d'y faire paître une tête de bétail. Pas l'ombre d'un droit. L'Italie a autant de droits ici que les autres ailleurs. Aucune nation n'a le droit d'en occuper une autre. Nous n'avons fait que revenir. Nul ne peut le contester. Lisez la date de cette pièce. C'est de la monnaie des Césars, datée, frappée en Libye. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. La façade africaine de la Méditerranée, Libye, Tunisie, mais aussi les restes de l'Empire ottoman du côté de la mer Égée, l'Albanie et puis l'Éthiopie, l'Érythrée. Peut-être ai-je oublié d'autres territoires où l'Italie a voulu créer un empire colonial. Valéria Galimi, bonjour. Bonjour. Bah, vous serez à Blois, vous aussi, une fois, deux fois, comme nous. Et alors, vous n'êtes jamais allé au rendez-vous de l'histoire, bien que vous ayez travaillé ici à Paris, à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Maintenant, vous êtes à Florence, après Milan, et vous vous dites, mais qu'est-ce que les gens de Blois trouvent comme motif d'intérêt pour organiser un week-end sur mon pays, l'Italie? Oui, je suis curieuse de voir les réactions, donc je serai contente d'être là de vendredi à dimanche, voir là, c'est l'écran public qui participe et prend part à ces rendez-vous de l'histoire, donc il faut observer. Alors l'Italie a d'abord pensé dans la corne orientale de l'Afrique, là je nous ramène à la fin du 19e siècle, à participer au contrôle des routes maritimes. C'est pour ça qu'elle s'est intéressée à l'Éthiopie et à l'Érythrée. Oui, on peut commencer par dire que après la réunification, l'unification de l'Italie, donc l'établissement de l'État italien dans les années 70, non, on termine le Risorgimento avec la prise de Rome, l'Italie, tout à fait comme l'Allemagne, garde à l'aventure coloniale, et donc l'Italie veut participer à la conquête des territoires et d'établir des colonies et participer comme les grandes puissances, France et Royaume-Uni, à cette aventure. Oui, mais où? Alors, où, où y a-t-il de la place? Ça, c'est la question. Où, à ces moments-là, y a-t-il de la place? Donc, l'Italie fait un grand nombre de tentatives. Il fait des échecs pendant la décennie 70 en Asie. Donc, il abandonne tous ses projets en Asie, le Bornéo, etc. Donc, il y a plusieurs tentatives de contact, etc. Et alors, il se tourne vers ses ports de la mer Rouge, Massawa, etc. Et donc, il établit sa première colonie dans ces cornes d'Afrique. Avec l'espoir, peut-être, de monter sur les plateaux d'Éthiopie et de conquérir l'Éthiopie, mais il faut dire... Il faut du temps. Il y a des échecs tout de suite, et l'Italie reconnaît à l'Éthiopie son indépendance par un traité en 1895, et puis elle échoue en Érythrée dans une bataille en 1905. Il y aura beaucoup d'échecs. Il y aura beaucoup d'échecs. Le premier grand échec, c'est très connu aussi par les Français, parce que c'est le fait que le premier intérêt, le plus grand intérêt de l'Italie, c'était établir une colonie italienne en Tunisie. Et oui, parce qu'au fond, en 1900, on en parlait hier, le moment le plus haut de l'émigration italienne. L'Italie est le premier pays au monde pour les départs. Il y a davantage d'Italiens en Tunisie en 1900 que de Français? Absolument. Les chiffres de l'époque, à vrai dire des années 30, parlent des presque 100 000 Italiens par rapport à quelques centaines de Français. Il y avait tout un groupe très nombreux de juifs des Livournes. Il y avait tout un groupe aussi très nombreux de Siciliens, ouvriers qui travaillaient en Tunisie. Dans les mines, notamment. Dans les mines, et donc il y avait des quartiers, des écoles, etc. Et pour l'Italie, c'était absolument normal de penser la Tunisie comme le premier territoire à conquérir. Mais vous savez, il y a une différence qu'on fait, est-elle justifiée, entre colonialisme et colonisation. Alors, il y a une colonisation italienne en Tunisie, mais le colonialisme, c'est nous, c'est les Français. Les Français qui établissent donc le protectorat. Et donc là, c'est les premiers grands échecs qui, pour le gouvernement italien de l'époque, est vraiment un moment pour s'élancer dans l'aventure coloniale. Oui, mais les Français, dans leur munificence, laissent aux Italiens la possibilité de riper vers l'Est, vers des terres extrêmement désertiques. Et moins intéressantes. Et moins intéressantes. J'ai nommé la Tripolitaine, 1911. En ce 20e siècle qui est le nôtre, il n'est pas une nation au monde, à quelques rares exceptions près, qui n'ait été plongée dans un conflit sanglant. Une époque où la plupart des grandes puissances s'efforçaient d'accroître leur influence, leur pouvoir et leur richesse. Nourrie du rêve insensé de faire revivre la gloire de la Rome antique, l'Italie, en 1911, se lance à son tour à la conquête de nouveaux territoires. La Libye, sur l'autre rive de la Méditerranée, est son objectif. Des troupes débarquent à Tripoli. Benghazi, Zouara, Sirte, Derna et Tobrouk. La population locale, assaillie de toutes parts, oppose une résistance farouche et résolue aux envahisseurs et brise leur élan sans pouvoir les chasser. C'est l'impasse. La Libye est notre couronne d'épines. Tonnant. La Libye sera notre gloire. C'est un film consacré à la résistance d'Omar Mukhtar en Libye. Oui, parce que c'est une couronne d'épines, encore un échec, pendant de longues années, pendant des lustres, parce qu'il va falloir du temps pour que la Libye soit, entre guillemets, pacifiée. Absolument. Donc on commence, c'est le Premier ministre Giolitti en 2011-12 qui commence la conquête de la Libye. Mais ça prend vraiment du temps pour pacifier les territoires et pour établir une colonie dans un endroit qui, comme vous avez dit, c'est inhospitalier. C'est inhospitalier de plusieurs points de vue, parce que c'est du désert, c'était tout à construire, etc. Donc, selon les époques, Valeria Galimi, le langage du colonialisme va être différent. Il n'est pas le même pendant la période impériale, qu'on vient d'évoquer, et pendant la période fasciste, qui commence à partir du milieu des années 20. Et c'est d'ailleurs sous le fascisme que la conquête de la Libye, 1934, sera achevée. Et alors, le colonialisme fasciste ne veut pas d'ailleurs se présenter comme tel. Nous n'avons rien à faire avec les intérêts capitalistes, comme dans le colonialisme d'autrefois, dit Mussolini. Vous avez bien raison, parce que le projet colonial, je dirais, pour Mussolini, c'est un projet ancré dans l'idéologie fasciste. Donc c'est pas que de la conquête des territoires, des ressources, mais c'est donner des terres aux Italiens et à travers ces projets coloniaux, construire un nouveau homme italien. Un nouvel homme qui va être transformé par le travail de la terre. De la terre. Et puis qui va être débarrassé de toutes les superstructures qui existent dans la péninsule, la monarchie, l'église, que sais-je. Exactement. Et donc, plus pratiquement, les objectifs de Mussolini, c'était aussi d'aller davantage dans ces projets coloniaux, c'était trouver des solutions pour la crise économique qui arrive en Italie à partir de la moitié des années 30, et aussi trouver un débouché pour les Italiens. Donc c'est des colonies qui comportent aussi l'émigration des Italiens, l'établissement. Et on les installe, ces émigrants italiens, dans des villages de fondation qui ressemblent un petit peu aux villages qu'on aménage dans la péninsule, dans les marais pontins. Alors là, c'est le désert et pas le marais, mais ce sont des fondations ex nihilo. Exactement, ça en Libye, alors qu'en Éthiopie, ça va être un peu différent. L'Éthiopie, attendez, mais comment sont ces villages en Libye ? C'est des villages construits par ex nihilo, comme vous dites. Et donc là, c'est l'idée de l'homme fasciste qui arrive et va, à travers sa mission civilisatrice, organiser un nouveau État. Et... Avec des architectures particulières, idem d'ailleurs dans les villes. Exactement. Il y a des études par des chercheurs qui travaillent sur cet espace colonial en Libye. Et donc, c'est très intéressant de voir comment l'idéologie fasciste, et donc ces nouvelles villes, vont s'imposer sur des territoires absolument... hostile à tout ça. Donc ça permet de voir la réalité et c'est-à-dire les projets et aussi la réalité des faits. 1934, donc la pacification, je mets toujours des guillemets, de la Libye, et puis on va enchaîner, vous avez prononcé le mot de ce pays clé, on va enchaîner sur la Libye, sur l'Éthiopie. Après la victoire commune, à laquelle l'Italie avait apporté une contribution majeure, 670 000 morts, 400 000 mutilés, 1 million de blessés. Lorsque vint notre tour à la table de la paix, nous n'avons reçu que les miettes du partage colonial des autres. Pour l'Éthiopie, nous avons patienté 40 ans. Maintenant, ça suffit. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Voici, nous sommes maintenant en 1935, l'Italie qui repart à la conquête de l'Éthiopie. Valeria Galimi nous accompagne dans cette émission sur l'Italie et ses colonies. On a entendu Mussolini faire appel de l'humiliation qu'a ressenti après la Première Guerre mondiale l'Italie, qui n'a pas vu ses projets coloniaux acceptés par ses alliés. Exactement. C'est du début que Mussolini revendique une place adéquate à l'Italie dans la division de l'espace colonial. Et il faut dire que ces projets de conquête coloniale, c'est soude avec la politique étrangère de l'Italie. Donc de conquérir, d'élargir les territoires de l'Italie, à imposer et donc être reconnu au niveau international. Et c'est pour ça qu'il s'est lance dans cette aventure de la conquête de l'Éthiopie qui entraîne aussi un grand... Une campagne meurtrière. Une résistance forte. L'utilisation des armes qui n'étaient pas reconnues, donc les gaz, etc., pour la première fois. Et aussi, il provoque un accident international avec ses conflits avec la Société des Nations. Mais pour Mussolini, tout ça était important, et donc il entraîne la société italienne dans ses projets. Et il faut voir les photos des places des villes italiennes qui écoute l'annonce du début de la conquête, parce que la fin sera lente, mais aussi de la déclaration de l'Empire en mai 36. C'est-à-dire que le petit roi Victor Emmanuel III, qui est haut comme trois pommes, devient empereur d'Éthiopie. Mais là, on considère ces moments, les moments où le fascisme italien, l'Italie fasciste, a plus de consensus par la population. Dites-moi, vous parliez de l'installation d'Italiens très nombreux en Libye. Ils sont aussi assez nombreux en peu d'années, 36, 37, 38. En Éthiopie, et ils s'installent surtout dans les villes. Il y a des projets urbains, notamment à Addis Abeba, tout à fait étonnants. Oui, alors c'est intéressant de voir en Éthiopie comment en quelques années, très peu d'années, 5-6 ans, il y a ces projets, cette réalisation d'une société coloniale à partir de l'espace. Parce que c'est une vraie séparation dans les villes. Parce que le problème en Éthiopie, qui entraîne l'acquisition de ces territoires, la conquête de ces territoires, c'est les deux parts, et donc l'arrivée des dizaines de milliers d'Italiens. Il y a beaucoup de fonctionnaires. Donc, il y a maintenant, finalement, même en Italie, on commence à faire l'histoire sociale. Et il y a beaucoup de femmes, parce qu'il n'est pas question que les Italiens couchent avec les Éthiopiennes. Il y a un problème. Donc, il y a le problème que les premiers départs sont des hommes seuls qui entraînent des relations avec les femmes du local, et donc il y a tout un système législatif qui empêche, par exemple, on l'appelle madamato, les liaisons sexuelles, et qui maintenant on considère comme un premier pas pour les lois raciales contre les juifs qui seront établies en 38. Et la ville européenne, telle qu'on l'imagine, sera séparée par un espace boisé de la ville africaine, exactement. Ça anticipe aussi sur l'apartheid d'Afrique du Sud. Donc, pendant ce temps-là, en France, voyez-vous, un chanteur dont on n'a pas retrouvé le nom, je mets ça sur la table, nos auditeurs peut-être l'identifieront, chante cette chanson idiote qui s'appelle Angelina, et qui embellit, je pense, la campagne meurtrière de l'Éthiopie. Il faut dire que les vieilles diplomaties européennes n'ont pas su empêcher l'invasion du pays du Négus. Angelina, piccolina mia, Angelini, Angelini, Angelina, si je pars pour faire la guerre, oui mon amour, jusqu'au retour tu m'aimeras toujours, je ne suis qu'un soldat, mais quand je serai là-bas, je veux Tenatila, être le fléau d'Ira, manger ceux d'Éthiopie comme des raviolis, manger même le négus pour faire plaisir aux dus. Angelina, piccolina mia, tu m'aimeras, tu m'attendras, Angelina. Sur le grand paquebot, de l'avant à l'arrière, les soldats transalpins, entendant ce refrain, empirent aussitôt une chanson guerrière qui devint la matelot de tout le bataillon. Angelina, piccolina mia, Angelini, Angelini, Angelina, si je pars pour faire la guerre, oui mon amour, jusqu'au retour tu m'aimeras toujours. Alors quand Mussolini entend des chansons de cet acabit, il aurait tort de se gêner s'il n'y a pas plus de réaction du côté français que celle-ci. Pourquoi ne pas continuer ? À Blois, Valérie Galimi, vous allez parler du chef. Ce sera dimanche au rendez-vous de l'histoire. Alors les revendications territoriales croissent et embellissent. Revient sur le tapis le sujet de la Tunisie. À quoi Mussolini et Ciano, son ministre des Affaires étrangères, ajoutent la Corse. Exactement. Exactement. Les revendications de Mussolini augmentent pendant la fin des années 30. La fin des années 30. On a tout un problème en Tunisie parce que, on l'a déjà dit, il y avait une communauté italienne très nombreuse. Donc, il y avait il y a une présence des antifascistes en Tunisie et aussi une présence de fascistes, donc du mouvement de l'OVRA, des services de contrôle fascistes sur cette population. Et à partir de ce moment-là, il y a plusieurs moments de tension entre l'Italie et la France. Donc des incidents en Tunisie et puis des incidents à Rome. Ah, exactement. Où, en présence de François Poncel, ambassadeur, on va avoir dans le simili-parlement fasciste italien des députés qui réclament les territoires irrédents. Alors qu'il y a, il y avait eu des accords secrets, Mussolini-Laval, qui avait décidé d'élargir un peu la frontière vers la Libye. Donc c'était des accords secrets qui, à ce moment-là, sont dévoilés. Et donc, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que le président du Conseil français, Daladier, parle de ce qui a été signé entre Laval et Mussolini en janvier 1935. Voilà le président Daladier. Le 7 janvier 1935, des accords franco-italiens étaient signés à Rome. Ils étaient destinés à régler définitivement, à liquider les questions pendantes entre les deux pays. Des arrangements étaient intervenus par lesquels l'Italie obtenait des rectifications de frontières et des cessions de territoires en Afrique, des avantages économiques et la France une transformation progressive du statut des Italiens de Tunisie par étapes en 1945, en 1955, en 1965. Ces accords reçurent de la part de la France un commencement d'exécution. Jamais ils n'avaient été remis en question, ni pendant la conquête de l'Éthiopie, ni après. Eh oui, Laval, président du Conseil, en 1935, commence à comprendre que ça ne suffit pas de se plier devant les régimes totalitaires. Et c'est pas fini. Alors, il y a une revendication de l'Italie depuis longtemps sur la mer Égée et puis sur l'Albanie. Exactement. On a cité quelques colonies, mais il y en a plusieurs. Il y a beaucoup plus, dans l'histoire de l'Italie et ses colonies, il y a toute une histoire de tentatives et d'échecs. Et je voudrais donc, c'est bien de citer la mer Égée parce qu'il faut se souvenir que, en même temps de la conquête de l'Éthiopie, l'Italie, donc dans les années 11-12, l'Italie conquête, occupe le Dodécanèse, donc les premières îles grecques qui gardent jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et Mussolini, à la fin des années 30, arrive à attaquer, à agresser l'Albanie. Mais avant de l'agresser, Mussolini tente de la dompter économiquement. Il y a là-bas un président de la République qui s'auto-proclame roi et qui épouse, elle est vêtue d'une robe Chanel, Géraldine. Tirana, capitale de l'Albanie, est en liesse. Le roi Zogu Ier épouse la comtesse hongroise Géraldine Aponine. Le comte Chano est témoin du roi. La réception dans les jardins de la résidence royale. La cérémonie du mariage civil a lieu dans la salle d'honneur du palais. Le mariage religieux ne peut être célébré, le souverain est musulman et la reine chrétienne. Les époux vont se rendre à Durazzo, puis en Hongrie. Avant leur départ, ils passent en revue les troupes albanaises. Jour du vendredi saint, 7 avril 1939, l'Italie déclenche contre l'Albanie une offensive aérienne et navale. La flotte bombarde Durazzo, capitale et port principal, ainsi que les autres villes maritimes. Après avoir été plusieurs fois repoussés, les Italiens, disposant d'un matériel écrasant, réussissent à prendre pied dans le petit pays. Et Géraldine, enceinte, n'a même pas le temps de donner naissance à son fils, qu'elle doit fuir avec Zog. Exactement. Ça ne va pas bien se passer non plus dans les montagnes d'Albanie. Non, ça ne va pas bien passer. C'est passé parce que ça déclenche une résistance albanaise plutôt intense. À ces moments-là, donc on est en 9, on peut dire qu'en 40, après, avec l'entrée de l'Italie dans la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie arrive un an après, et l'empire colonial, c'est-à-dire l'étendue des colonies, rejoint la plus grande extension, exactement. Donc on va de la France du Sud, les Balkans, l'Afrique du Nord, Éthiopie, Libye, Érythrée, Somalie. Et on n'a pas évoqué, mais il faut évoquer aussi une concession en Chine qui remonte de la guerre des boxeurs au début du XXe siècle, et donc les îles grecques de la mer de l'Égée. Oui, Rhodes, etc. Tout ça, c'est rond, tête de territoire de conquête pendant la Deuxième Guerre mondiale, et l'Italie, après l'armistice de 1943, et donc la rupture de l'axe avec l'Allemagne nazie, va perdre ses colonies. Mais contrainte par ses alliés tardifs, l'Italie va décoloniser la première. Exactement. Vous pouvez vous targuer d'être le premier pays décolonisateur, pratiquement, avec les Pays-Bas. Oui, contraint et forcé. Mais forcé, alors que l'Italie garde un rôle aussi en Somalie, oui. Un rôle administratif en Somalie jusqu'à 1960. Ça veut dire que dans la mémoire italienne aujourd'hui, on se souvient qu'on a été colonialiste ? Non, parce que M. Salvini disait de M. Macron que c'était un maudit colonialiste. Mais est-ce qu'on se souvient en Italie qu'on a été colonialiste ? Non, c'est ça justement ce qui est intéressant et c'est à discuter, c'est le fait que l'Italie n'a pas la mémoire publique sur ce passé colonial et a été effacée par la difficulté. C'est un empire qui a eu beaucoup de difficultés à s'établir et s'imposer. Mais c'est vrai que les Italiens ont effacé dans la mémoire les responsabilités dans ces passés coloniales. Mais comment sont-ils revenus de Libye ou d'Éthiopie ? Ça a dû être une équipée. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont partis dans l'après-guerre. En Libye, plusieurs Italiens sont restés dans les premières décennies de l'après-guerre, et ils ont été chassés par Gaddafi en 1970. Ah oui, seulement 1970. Merci à vous, Valéria Galimi. On vous retrouve à Blois, où on retrouvera aussi toute l'équipe de la revue L'Histoire qui sort un numéro spécial. C'est pour vous, Fabrice Noël, qui s'intitule Génie de l'Italie.